Quoi, de ma fille ? Oui. Clitandre en est charmé et je ne vis jamais amant plus enflammé. Non, non, je vous entends, vous ignorez l'histoire. Et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire. Comment, ma sœur ? Clitandre abuse vos esprits et c'est d'un autre objet que son cœur a été pris. Vous raillez ? Ce n'est pas Henriette qu'il aime ? Non, j'en suis assurée. Il me l'a dit lui-même. Eh oui ! Vous me voyez, ma sœur, chargée par lui d'en faire la demande à son père aujourd'hui. Fort bien. Et son amour même m'a fait instance de presser les moments d'une telle alliance. Encore mieux, on ne peut tromper plus galamment. Henriette, entre nous, est un amusement, un voile ingénieux, un prétexte, mon frère, à couvrir d'autres feux dont je sais le mystère. Et je veux bien tous deux vous mettre hors d'erreur. Mais puisque vous savez tant de choses, ma sœur, dites-nous, s'il vous plaît, cet autre objet qu'il aime. Vous le voulez savoir ? Oui. Quoi ? Moi. Vous ? Moi-même. Ma sœur. Qu'est-ce donc ? Que veut dire ce « est » ? Et quel est surprenant le discours que je fais ? On est faite d'un air, je pense, à pouvoir dire qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son empire. Et Dorante, Damis, Cléonte et Lycidas peuvent bien faire voir qu'on a quelques abats. Ces gens vous aiment ? Oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit ? Aucun n'a pris cette licence. Ils m'ont su révérer si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour. Mais pour m'offrir leur cœur et vouer leur service, les muets truchements ont tous fait leur office. On ne voit presque point Céan venir d'Amis. C'est pour me faire voir un respect plus soumis. De mots piquants partout Dorante vous outrage. Ce sont emportements d'une jalouse rage. Cléonte et Lycidas ont pris femme tous deux. C'est par un désespoir où j'ai réduit leur feu. Ma foi, ma chère sœur, vision toute claire. De ces chimères-là, vous devez vous défaire. Oh, chimères. Ce sont des chimères, dit-on. Chimères, moi. Vraiment, chimères est fort bon. Je me réjouis fort de chimères, mes frères. Et je ne savais pas que juste des chimères. Notre sœur est folle, oui. Cela croît tous les jours. Mais, encore une fois, reprenons le discours.